Écoute. La pierre de touche. Voici maintenant quelques phrases formées à partir de quelques expressions imagées. Vous allez donc les écouter avec attention. On peut dire qu'il a le sens des affaires, Jean. Ah oui? S'il ne fait pas d'une pierre deux coups, il n'est jamais content. J'ai trouvé un fossile magnifique hier en me promenant. Et en plus, hier, c'était ton anniversaire. Oui, c'est vraiment une journée à marquer d'une pierre blanche. Je n'accepterai jamais de partir en vacances avec Hélène. Ça non, jamais. Et pour quelle raison? C'est une femme qui a un cœur de pierre. Et je ne supporte pas les gens qui ne sont pas généreux. Pourquoi tu jettes toujours la pierre à Marie? Elle n'a rien à voir, je t'assure, dans cette affaire. Tu as toujours besoin d'une pierre de touche pour juger les personnes. Tu ne peux pas, de temps à autre, laisser parler ton instinct? Sortir avec un temps pareil? Mais tu es fou, il gèle la pierre fendre. Écoutez maintenant ce petit dialogue. On ne peut pas jeter la pierre à Claude. Il faudrait connaître l'histoire dans tous ses détails pour savoir s'il a raison ou pas. D'accord, mais il n'aurait jamais dû licencier cet ouvrier. Il faut avoir un cœur de pierre pour renvoyer un homme qui vient de perdre sa femme. Il n'est peut-être pas au courant. Ça m'étonnerait. Il sait tout sur tout le monde, celui-là. J'espère simplement qu'il le paiera un jour ou l'autre. Et alors ce sera vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche. Conversation. C'est une musique. Messieurs, mesdames, faites attention maintenant aux stalagmites et aux stalactites de cette grotte. Et surtout, que personne n'y touche. Il est interdit, absolument interdit de les casser pour en emporter un morceau en souvenir. Les stalactites, les stalagmites, comment fait-on pour les reconnaître? Les stalactites sont les concrétions qui se forment à la voûte de la grotte et les stalagmites sont celles qui s'élèvent en colonne sur le sol. Qu'est-ce que c'est beau! C'est une grotte préhistorique? Oui, on a retrouvé ici des morceaux d'os, les restes d'un repas. Pétrifiés? C'est évident. Et des squelettes? On a retrouvé aussi des squelettes? Un squelette d'homme et trois squelettes de femmes. Trois femmes pour un homme? Le paradis. Et des dessins, il y en avait? Non, c'est une grotte trop humide. Ils ont peut-être dessiné quelque chose, mais aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Ah, c'est bien dommage. Faites silence maintenant. Taisez-vous. Vous entendez? Vous entendez les gouttes qui tombent une à une? Vous les entendez à droite, à gauche, partout? Elles vont former des stalagmites et des stalactites. Lentement, goutte après goutte. Elles sont pleines de calcaire. C'est le calcaire qui va les construire lentement. Lentement. C'est presque une musique. C'est une musique. J'ai des frissons partout, moi. La grotte, les stalactites, cette musique. C'est presque religieux, tout ça. C'est la raison pour laquelle il ne faut rien toucher, rien détruire. Vous comprenez? Oui, oui, vous avez raison. Messieurs, mesdames, faites attention maintenant aux stalagmites et aux stalactites de cette grotte. Et surtout, que personne n'y touche. Il est interdit, absolument interdit de les casser pour en emporter un morceau en souvenir. Les stalactites, les stalagmites, comment fait-on pour les reconnaître? Les stalactites sont les concrétions qui se forment à la voûte de la grotte. Et les stalagmites sont celles qui s'élèvent en colonne sur le sol. Qu'est-ce que c'est beau! C'est une grotte préhistorique? Oui, on a retrouvé ici des morceaux d'os, les restes d'un repas. Pétrifiés? C'est évident. Et des squelettes? On a retrouvé aussi des squelettes? Un squelette d'homme et trois squelettes de femmes. Trois femmes pour un homme? Le paradis. Et des dessins? Il y en avait? Non, c'est une grotte trop humide. Ils ont peut-être dessiné quelque chose, mais aujourd'hui, il n'en reste plus rien. C'est bien dommage. Faites silence maintenant. Taisez-vous. Vous entendez? Vous entendez les gouttes qui tombent une à une?

Je n'ai rien dit, moi, ni oui ni non. Mais tu sais bien que qui ne dit mot consent. Alors, nous irons au Festival de Cannes tous ensemble la semaine prochaine? Oui, très volontiers, mais surtout pas un mot à mes parents. Je ne leur en ai pas encore parlé. Je te demande de ne pas souffler mot de cette affaire, compris? Oui, votre projet me semble acceptable, satisfaisant, oui. Il n'y aura aucun problème. Votre proposition est intéressante, oui. Vous aurez l'approbation de vos collègues. Ils l'accepteront d'emblée, avec enthousiasme. Tu as vu, le directeur est d'accord. Il a approuvé de la tête. Normal, tes excuses étaient tout à fait valables. Vous avez trouvé ce repas à votre gré? Excellent, monsieur, vraiment excellent. Je ne ferai jamais rien contre le gré de mes parents. Voici maintenant un petit dialogue. Écoutez-le et répétez-le. Écoute, tu es venu chez moi de ton plein gré. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Les gens qui sont venus à ta fête ne me plaisent pas. Ils sont tous insupportables. C'est vrai, je ne supporte personne ici. Et en plus, je me sens indésirable. Maintenant, malheureusement, tu es là, bon gré mal gré. Essaie de rendre la situation plus supportable. Et ta présence aussi peut être un peu plus désirable. Qu'est-ce que je dois faire? Sourire de bon gré, et pas de mauvais gré comme maintenant. J'ai compris. Il faut que je reste de gré ou de force, et que je sois aimable avec tous tes invités. Quelle soirée! Prise de parole. Ce n'est pas de refus. Voici maintenant quelques phrases exprimant un refus. Vous allez les écouter et vous les répéterez lentement. Pourquoi refuses-tu toujours de m'accompagner au cinéma? Tu sais bien que j'ai horreur d'y aller tout seul. C'est ta faute. Tu m'invites toujours au dernier moment. Comment? Tu as encore refusé à ton fils la permission d'aller à la mer avec ses copains? Je trouve qu'il est encore trop jeune pour partir tout seul. L'année prochaine, on verra. Je ne comprends pas pourquoi tu te refuses à l'évidence. Je te dis et je te répète que hier, j'ai vu Marc aller au théâtre avec Hélène. C'est impossible, c'est impossible. Il m'a juré 1000 fois qu'il ne la voyait plus. Ah bon? Vous vous refusez à payer ce verre de vin, monsieur? Les verres de vin, je les paie, moi. Mais les verres de vinaigre, ça non. Apportez-moi un vrai verre de rouge et je vous le paie tout de suite. Vous voulez encore un peu de champagne, madame? Ce n'est pas de refus. Tu passes ton temps à décliner ses invitations. Il va finir par se convaincre qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, tu sais. Tu as été recalé à ton examen d'anglais? C'est la 3e fois qu'on me colle à cet examen. Je n'en peux vraiment plus. Écoutez et répétez ce petit dialogue. Il faut toujours que tu contredises tout le monde et tu réfutes toutes les objections qu'on te fait. Tu es impossible. Je n'ai jamais contesté ce qui est irréfutable. Je dis ce que je pense, c'est tout. Et c'est toi, bien sûr, qui as raison. Toujours. Ce n'est pas de ma faute si les gens sont stupides. Objecter, contredire et contester, c'est bien ce que je disais. C'est ta philosophie. Quel caractère! Il faut vraiment que tu rejettes tout ce qu'on te propose. Prise de parole. Tout ça m'est égal. Voici quelques phrases exprimant l'indifférence. Vous allez les écouter avec attention et vous allez les répéter lentement. Dis-moi la vérité, tu es indifférent parce que tu es indécis, perplexe ou insensible? Je suis indifférent parce que tout ça m'est égal. Ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Je n'arrive jamais à savoir ce que tu penses. Tu es toujours impassible, imperturbable. Alors, il a accepté tes excuses, Jacques? Je ne sais pas. Il m'a écouté avec un air détaché. Il m'a salué et puis il est parti. Tu dois absolument venir au mariage de ton frère. Sinon, que vont penser les gens? Je m'en moque. C'est vrai, ça m'est égal. Je ne suis pas vraiment sûr que ça te soit égal. Allez, fais un effort. Moi, je me moque du candidatant. Ce que pensent les autres, ça ne me touche absolument pas. Peu importe alors, après tout, c'est ton affaire. Je ne crois pas que l'histoire que Pierre nous a racontée soit vraie. Moi aussi, j'éprouve une certaine incrédulité. Je doute qu'il nous ait dit la vérité. Ça, c'est votre affaire. Occupez-vous-en. Je n'affirme pas que ce soit la seule solution, mais c'est certainement la meilleure. Je vous ai dit 100 fois que je dirigerai ce projet tout seul. Ne vous en occupez pas. Prise de parole. C'est un canular. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases sur les différentes manières de mentir. Jacques est devenu très gentil avec moi, tu as remarqué? Fais attention, c'est un hypocrite. Il a certainement quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu penses de Chantal, toi? Moi, je crois bien qu'elle raconte souvent des histoires. Son voyage au Pérou, par exemple, chaque fois qu'elle en parle, il y a toujours quelque chose de nouveau. Son voyage au Pérou, c'est un canular. Elle a toujours été un peu mythomane, cette fille. Tu veux que je me présente à ta place à ce concours? Je ne peux pas, ce serait une imposture. Elle a faim de n'avoir rien compris à mon discours. Mais je la connais bien. Quand quelque chose la dérange, elle fait toujours semblant d'être ingénue. Le match a été magnifique. Tu as vu quand Platini a feinté la défense et marqué son but? Attention à ce tennisman. Il trompe toujours ses adversaires grâce à des feintes très subtiles. Je ne voulais vexer personne hier soir. C'est pour ça que j'ai menti. Oui, mais ce n'est pas avec un mensonge que tu résoudras ton problème. Voici quelques phrases construites autour du mot « sans ». Écoutez-les et répétez-les lentement. Tu veux un café avec ou sans sucre? Je le bois toujours sans, tu le sais bien. Et Isabelle, elle ne vient pas avec nous? Tu sais parfaitement qu'elle refuse de se déplacer sans son fiancé. Il n'est pas très bavard, ton copain. Lui, il est capable de passer une journée entière sans parler. Tu peux partir sans crainte. J'arroserai tes fleurs tous les soirs. Je passerai sans doute chez toi demain soir. Il parle sans cesse, celui-là. Faites-le taire, je vous en prie. Il a pris l'avion, non sans crainte. Ne pars pas sans qu'il en soit informé. Il faut prendre un parapluie, voyons. Quand il pleut, personne ne sort sans. Ça non, je ne partirai jamais en vacances sans toi. Écoute. Vous êtes mi-figue, mi-raisin. Voici maintenant quelques phrases formées à partir de quelques expressions imagées. Vous allez donc les écouter avec attention. J'ai rencontré Jean ce matin dans le métro. Je crois qu'il a de gros problèmes avec sa femme. Jean, ces histoires de femmes, d'argent, de jeux, je m'en moque comme de l'an 40. Que tes enfants passent leur temps à te contredire, ça ne te fait ni chaud ni froid. Ils sont jeunes, ça leur passera, tu verras. Et puis moi, à leur âge, j'étais bien plus terrible. Pourquoi chercher toujours le pour et le contre? J'en ai assez de tout calculer. J'ai envie d'être plus spontanée, plus instinctive. Ce n'est pas la peine de compter sur elle pour prendre une décision. Elle a toujours été mi-figue, mi-raisin sur tout. Alors? Tu changes d'avis toutes les 5 minutes. Je ne sais plus sur quel pied danser, moi, avec toi. Mais enfin, tu es amoureux de Martine depuis plus d'un an et tu ne le lui as jamais dit. Il faut prendre le taureau par les cornes maintenant, sinon ça risque de durer encore longtemps, ce petit jeu. Écoutez maintenant ce petit dialogue. Tu devrais parler à Pierre, je crois qu'il a besoin de toi. Pierre? Il a toujours besoin de quelqu'un, celui-là. Il a peut-être de gros problèmes cette fois. Je m'en moque comme de l'an 40. Et puis Pierre a toujours de gros problèmes. On dirait qu'il adore ça. Et ça ne te fait ni chaud ni froid? C'est ton frère pourtant. Il a eu besoin d'argent, je lui en ai donné. Il a eu de sérieuses prises de bec avec sa femme, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai passé ma vie à l'aider. Ça suffit maintenant. Qu'il prenne le taureau par les cornes, une fois pour toutes. Conversation. Ça, je m'en moque. Marc, enfin, c'est la troisième fois qu'on te demande si tu veux un autre verre de vin. Tu pourrais répondre quand même. Tu ne vois pas que je m'ennuie? Quelle barbe, tous ces gens! Fais un effort! Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Alors ça, je m'en moque. Il fallait me dire que tu ne voulais pas venir. Oui, et ce soir, j'aurais eu droit à une belle scène de ménage. Ah, ça non, alors. C'est pas possible. Tu es devenu insupportable. Essaye de sourire, au moins. Dis quelque chose. Tu veux quelque chose? Laisse-moi tranquille. Écoute, tu es venu ici de ton plein gré. Tu avais même l'air content. Je ne sais vraiment plus sur quel pied danser, moi, avec toi. Parle moins fort. Tout le monde nous regarde. Je croyais que tu te moquais du candidaton. C'est la pure vérité. Ce que disent les gens, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais j'ai horreur de me donner en spectacle. Alors arrête et donne-moi un peu de vin, si ça te fait plaisir. Marc, enfin, c'est la troisième fois qu'on te demande si tu veux un autre verre de vin. Tu pourrais répondre quand même. Tu ne vois pas que je m'ennuie? Quelle barbe, tous ces gens! Fais un effort. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Alors ça, je m'en moque. Il fallait me dire que tu ne voulais pas venir. Oui, et ce soir, j'aurais eu droit à une belle scène de ménage. Ah, ça non, alors. C'est pas possible. Tu es devenu insupportable. Essaye de sourire, au moins. Dis quelque chose. Tu veux quelque chose? Laisse-moi tranquille. Écoute, tu es venu ici de ton plein gré. Tu avais même l'air content. Je ne sais vraiment plus sur quel pied danser, moi, avec toi. Parle moins fort. Tout le monde nous regarde. Je croyais que tu te moquais du candidaton. C'est la pure vérité. Ce que disent les gens, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais j'ai horreur de me donner en spectacle. Alors arrête et donne-moi un peu de vin, si ça te fait plaisir. Réussira-t-il à la séduire? Qui est cet homme-là, à côté de Florence? Je ne sais pas, moi, je ne l'ai jamais vu. Il est curieux, tu ne trouves pas? Curieux? Pourquoi curieux? Il n'arrête pas de raconter des histoires incroyables. C'est vrai, ça. C'est peut-être un mythomane. Oh, j'en suis sûre. Il ne peut pas avoir vécu tout ce qu'il est en train de raconter. C'est impossible. Il cherche peut-être à séduire Florence. J'espère bien que ça n'arrivera pas. Je ne supporte pas les gens qui racontent des canulars pour le plaisir d'être au centre de l'attention. Tous des hypocrites. Florence n'est pas stupide. Elle l'a certainement déjà compris. Oui, mais notre menteur est un bel homme. Et Florence est très sensible à ce genre de choses. Moi, je parie qu'il réussira à la séduire. Moi, je parie le contraire. Alors, rendez-vous dans quelques semaines. D'accord. Qui est cet homme-là à côté de Florence? Je ne sais pas, moi, je ne l'ai jamais vu. Il est curieux, tu ne trouves pas? Curieux? Pourquoi curieux? Il n'arrête pas de raconter des histoires incroyables. C'est vrai, ça, c'est peut-être un mythomane. Oh, j'en suis sûre. Il ne peut pas avoir vécu tout ce qu'il est en train de raconter, c'est impossible. Il cherche peut-être à séduire Florence. J'espère bien que ça n'arrivera pas. Je ne supporte pas les gens qui racontent des canulars pour le plaisir d'être au centre de l'attention. Tous des hypocrites. Florence n'est pas stupide. Elle l'a certainement déjà compris. Oui, mais notre menteur est un bel homme et Florence est très sensible à ce genre de choses. Moi, je parie qu'il réussira à la séduire. Moi, je parie le contraire. Alors, rendez-vous dans quelques semaines. D'accord. De gré ou de force? Si tu invites Marie à la maison, je divorce. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que c'était ton amie. C'était mon amie, et elle ne l'est plus. Pour quelle raison? Ça, c'est mon affaire. Je ne veux pas d'elle chez nous, c'est tout. De toute façon, c'est elle qui vient de nous inviter. Refuse. Je ne peux pas. Je viens d'accepter. Décline l'invitation, invente quelque chose. Mais je vais avoir l'air de quoi, moi, maintenant? Je m'en moque. Qu'est-ce que je peux lui dire? Que nous avions prévu d'aller chez ta mère, que j'ai oublié. Elle ne va jamais me croire. Tu es un homme, oui ou non? Prends le taureau par les cornes. Ah, c'est facile à dire. Moi, chez Marie, pas question. Alors j'irai tout seul. Jamais. Comment jamais? Ça suffit maintenant. Tu iras chez elle, toi aussi, de gré ou de force. Et la prochaine fois, tu me préviendras quand tu changeras d'idée sur tes amis. C'est clair? Si tu invites Marie à la maison, je divorce. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que c'était ton amie. C'était mon amie, et elle ne l'est plus. Pour quelle raison? Ça, c'est mon affaire. Je ne veux pas d'elle chez nous, c'est tout. De toute façon, c'est elle qui vient de nous inviter. Refuse. Je ne peux pas. Je viens d'accepter. Décline l'invitation. Invente quelque chose. Mais je vais avoir l'air de quoi, moi, maintenant? Je m'en moque. Qu'est-ce que je peux lui dire? Que nous avions prévu d'aller chez ta mère, que j'ai oublié, elle ne va jamais me croire. Tu es un homme, oui ou non? Prends le taureau par les cornes. Ah, c'est facile à dire. Moi, chez Marie, pas question. Alors j'irai tout seul. Jamais. Comment jamais? Ça suffit maintenant, tu iras chez elle, toi aussi, de gré ou de force. Et la prochaine fois, tu me préviendras quand tu changeras d'idée sur tes amis. C'est clair ?